prison c'est toi. Quand tu t'en vas, à chaque fois sur les routes, détaché de toi, pas sur la même voie, à chaque pas surgit le doute. Laissez couler des fleuves de sang, de sentiments. Laissez couler des fleuves de sang, de sentiments. Raison c'est toi, quand tu es là, à chaque fois que tu m'envoûtes, attaché à toi, comme à ta voix, c'est avec joie que je t'écoute. Laissez danser des fleuves de mots, d'émotions. Laissez danser des fleuves de mots, d'émotions.